On retient sa respiration, on plonge la bouche ouverte, expire l'inspiration en rejetant la mort à l'air. On erre sans détermination, des terres tatères dominent, courir sans ces deux jambes minées. Personnellement, la rime cache ta misère au fond du vide et sans médoc trotte ta place vers ce désert aride de crime. On s'en balance, cadence, ta violence et juge pas, a pas et pleure pas pour ça. Cache ta misère au fond du bide et sans médoc trotte ta place vers ce désert aride le crime. On s'en balance, cadence ta violence et juge pas, a pas et pleure pas pour ça. Sa fille suffit sans nom de nommer des actes manqués. Fébé tes désirs à emmener, emmêler, à amender, déchire, amender tes cahiers, amender, oblige, pousser, à commander courage à nos sœurs qui se meurent en silence et à nos frères dont les foi en France deviennent rance. Mais cet homme mature, de nature qui ne chale qu'à l'usure de son manteau d'adulte, doit se dire qu'aucune vie ne vaut plus qu'une autre, peu importe qui porte la culotte, celui qui ne détient pas les règles n'est pas forcément faible. Celui qui ne détient pas les règles n'est pas forcément le faible. C'est l'avenir sans profondeur, on rit, on achève, expire la pesanteur en poussant le cœur au bord des lèvres. On voit une autre éducation, regrette le sein de la mère, regrette le temps des trêves minées, personnellement le rêve. Vis ton chemin où il te mène et sans médoc, change ta peur en élisant, t'arrête la force. On s'en balance, cadence ton errance et marche pas à pas et surtout lâche pas.